Déjà dans le jardin, voici le clair matin. Déjà le gai soleil nous sonne le réveil. C'est le joli temps des vacances. Le doux parfum des fleurs fait battre notre cœur. Là-bas dans les roseaux, on entend les oiseaux. Là-haut dans le ciel bleu, le vent siffle joyeux. Et de la belle saison, c'est la chanson. Vacances, et vous arrivez, et notre joie commence. Pendant des mois, c'est à vous que l'on pense. Plaisir trop court de quelques jours, vacances. On se prépare à ce bonheur immense de s'en aller sur les routes de France pour profiter d'un bel été, vacances. Sur le calendrier, si le mois de janvier est fier d'être premier, le mois de février est toujours plus court que les autres. Le mois de mars attend que vienne le printemps, le mois d'avril sourit, le mois de mai fleurit, le mois de juin nous dit « je m'en vais sans regret » et demain matin c'est le mois de juillet. Vacances, et vous arrivez et notre joie commence. Pendant des mois, c'est à vous que l'on pense. Plaisir trop court de quelques jours, vacances. On se prépare à ce bonheur immense de s'en aller sur les routes de France pour profiter d'un bel été, vacances. On se prépare à ce bonheur immense de s'en aller sur les routes de France pour profiter d'un bel été et de goûter la bonne idée.